Saturday party, déprimé, fatigué. Non, non, non. Non, non, non. L'Est, mytho, elle monte en voiture. À toi de voir qui monte et qui fait la monture. Y'a le capitaine qui va t'envoyer dans la culture. Il va te faire un parcours que t'es pas prêt d'oublier. D'ici où y'a des gueules jusqu'au quartier populaire, ça va m'en repeupler. Rien ne se discute et tout devient clair. Et soudain tout urge, ce livre qui te sidère plus que sidérurge. Et le meilleur de la cité. Allô, capitaine Cookie, capitaine de la contre-culture. T'as l'appétit de ce que la loi Macron a fait de nos factures. Mais pour l'histoire, t'as rien d'autre que la mémoire d'un pauvre silure. 1995, capitaine Cookie va soigner ta culture. T'as le capitaine qui va te raconter le secret d'un Marseille que tu as trop d'imagination pour avoir contrôlé. Capitaine Cookie, capitaine de la contre-culture. Plus mystérieuse que l'Atlantique, viens par ici, toi, fais pas le timide. Épargne-moi ton discours en forme de projet sur la commune du genre L2, record à rebours, Rocadarnavo Florian. Ouvre tes esgourdes ou je ne sais quel flasque équivalent. C'est des hauts de Perrier que tout a commencé. 1995, R21 surboosté. All gang the gay, à fond derrière les vitres teintées. Du shit plein les poches, les forages s'éclataient. Les bouteilles de Bavaria valsent des caps sur le boulevard Michelet. Et la pute noire alors elle était bon marché. Va savoir s'il vous plaît, si parce que l'hypothèse, hippocane, va te branler. Sida assuré, c'est ça, laisse le capitaine te rassurer. En parlant de noir, t'aimes le rock, fiston? Oui, mais pas trop noir désir. En matière de blague, j'étais plus proche de la que des plagistes occupés à faire de la pointe rouge un cloaque. Ici bas tout porte à croire qu'il n'y a que Alliance Ethnique qui a le droit de citer. Et encore ce n'est pas le pire, je danse pas le Mia. Mais pourtant malgré tout ce qui se disait volontiers, l'expérience le prouvait, on était marseillais. Alors nous c'est le crotrop psyché qui vous a toujours fait rêver. À la machine à coudre, il y a que là que tu pouvais jouer. Alors que partout ailleurs, où que ce soit, on s'en foutait de ce que tu faisais ou du chemin qui te menait à la falaise d'où tu te jetais. Seul contre tous, quelques concrets, les rabres abstraits, les muscles et la politique t'appelait sur le club de Rotterdam. Capitaine Cookie, capitaine Cookie, capitaine Cookie, capitaine, mon capitaine de la contre-culture. Capitaine Cookie s'explique avec la vie. Autant tout doute, y'a avec les Tods qui voulaient se rebeller. Comme il faut bien le préciser, les Tods uniquement étaient pourvus du talent pour pouvoir l'envisager. Bref, on s'en va les couilles. Direction l'arrêt d'Aubagne, mate le ballet des Teubas. C'est le rendez-vous des Teubés. Attentif à la tour de campagne, attends sur la cagane. Tu vas voir de l'île, bah y'a que ça. Dirty, ils sont pas encore arrivés. Puis y'a Sons of Gaia. Tu dois XLR Lascar, tu croyais quoi? Tout le monde n'est pas un silure ici-bas. Rappelle-toi ça et maintenant va jouer. À la caillotte, t'achètes le chichon. Ni vu ni connu, tu vas là-bas comme si t'allais chez ton tonton. Si ce n'est que quand t'écoutes Chrome dans la XKW, mais tu fais quand même comme chez tonton. T'as vu, tu baisses le son. Gaville, Castella, 1995, dernier arrêt. Oh Jack, qu'est-ce t'as trouvé au plus? Passion, jamais entendu parler. Mat mon cactus, ma VHS de Jess Franco, nique les annales. Lou Reed, c'est pour les profs de français. Moi et Chantal, tu sais, ça pouvait plus durer. Alors comme ça, ils veulent donner Marseille au royaume de France. Sauf que c'est les Grecs qui nous ont mis en transe. Mais c'est ni le Mucen, ni la Bac Sud en bois qui va nous mater. Castellane, c'est pas le petit Nice, ça tu le sais. Aux terrasses du port, ça ne fait pas de mystère. Ça va tout simplement chier. Maintenant terminé, le party déprimé. Capitaine Cookie, t'as sorti de ta léthargie. Reviens à ton quotidien. Parle de culture et garde à l'esprit ce vocable monosyllabe. Dur. Capitaine de la contre-culture. 1995. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Capitaine. Capitaine de la contre-culture. Pensez vraiment pouvoir faire sans lui.